Alors, encore une fois, j'aime le voir et parler avec lui. C'est-à-dire, il me plaît de le voir et de parler avec lui. Se dit? Me gusta verlo. Me gusta verlo et parler avec lui. Et, ah non, y hablar con él. Y hablar con él. Hein? Donc, me gusta verlo y hablar con él. Et j'aimerais le voir. Me gusta ria. C'est ça, hein? Encore une fois. Me gustaría. D'accord. Me gustaría, hein? J'aimerais le voir. Verlo. Bien. Me gustaría verlo. Comme en français, pour exprimer un souhait, souvent, au lieu de dire « j'aimerais », on dit « je voudrais ». « Je voudrais ». Et « je voudrais », en espagnol, c'est « quisiera ». « Quisiera », qui s'écrit « Q-U-I-S-I-E-R-A ». « Quisiera », du verbe « querer », que vous connaissez déjà, hein, et qui veut dire « vouloir » ou « aimer ». Donc, je voudrais le voir, hein, j'aimerais le voir, ça sera quisiera verlo. Quisiera verlo. Donc, maintenant, vous savez dire quiero verlo, je veux le voir, me gustaría, hein, j'aimerais ria, me gustaría verlo, j'aimerais le voir, et me gusta verlo, j'aime le voir. Ou quisiera verlo, qui veut dire je voudrais le voir, hein, j'aimerais le voir. Alors, encore une fois, ça ne sera pas possible, se dit. No es. Ça ne sera pas possible. No será. Au futur et au conditionnel, si vous n'accentuez pas la terminaison à l'oral, on ne vous comprendra pas. No será. C'est ça, hein? Será. Hein? Parce qu'au futur, on accentue toujours la terminaison. Donc, c'est será. Alors, ça ne sera pas possible, c'est ça ne sera pas. No será posible. Bien. No será posible. Et ça ne serait pas possible. No sería posible. D'accord. No sería posible.